C'est bien ça. D'accord. Je vérifie, c'est bon, donc je te passe le micro. Bon, bien, bien prêt, là. Hop, c'est bon. Commencer où l'intervenant précédent a laissé, donc c'est aussi une expérience très nouvelle pour moi d'être là. Je suis aussi très content d'être là et je trouve. Il fait froid, mais c'est, voilà, j'ai mes gants, c'est parfait. Voilà, je trouve que c'est l'éducation populaire, c'est quelque chose de très chouette, de très très bien. Donc voilà, c'est pareil, c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Donc, je vais commencer par dire juste un mot sur qui je suis, pas pour adopter, au contraire pour miner ma propre autorité. Moi, je suis un rat de bibliothèque, je suis un historien essentiellement, donc je m'occupe de choses très anciennes et aujourd'hui je vais parler de l'actualité. Donc, je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui suis un expert de l'actualité. Donc, voilà, prenez ce que je vous dis avec des pincettes, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc, le sujet sur lequel EducPop m'a demandé si je pouvais intervenir, c'est alors cette idée d'illibéralisme en Europe et plutôt sur ce que ça peut être Europe centrale, c'est-à-dire dans les ex-pays communistes, voilà, parce que je travaille sur ces pays-là, donc pas sur leur actualité, mais sur leur passé. J'ai beaucoup d'amis et de collègues qui sont là-bas et le problème principal en tant que quelqu'un qui travaille sur l'Europe centrale en France aujourd'hui, c'est celui d'une sorte de malentendu entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Que ce soit dans l'application de ce terme, il l'applique au gouvernement de Viktor Orban en Hongrie, au gouvernement de M. Morawiecki en Pologne. Voilà. Donc c'est sur cette idée de malentendu entre l'Est et le centre de l'Europe que je voudrais parler surtout. Puis voilà, répondre à vos questions et éventuellement donner quelques ressources qui vous intéresseront et vous trouverez beaucoup plus d'informations que dans ma petite personne à moi. Alors, je sais pas, je suis censé parler combien de temps avant les questions ? Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Bien. Alors, je pense que cette histoire de malentendu alors, entre l'ouest de l'Europe et le centre. Alors, l'Europe occidentale, c'est nous en France, c'est l'Angleterre, c'est éventuellement la péninsule, d'oublier assez souvent finalement quand on parle d'Europe de l'Ouest. Et puis après, l'Europe centrale, c'est éventuellement les pays baltes, c'est la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie. Éventuellement, l'autre parle allemand et qui sont riches, on a tendance à les tirer à l'ouest, parce qu'aussi ils étaient à l'ouest du mur, tout simplement avant 89. Et puis après, il y a les États des Balkans, donc qui sont soit en Europe centrale, soit en Europe méridionale, on ne sait pas trop. L'Europe centrale, ça n'est déjà plus vraiment l'Ukraine ou la Biélorussie. Et ça n'est bien sûr évidemment pas du tout la Russie, qui est un ensemble complètement différent. Et je pense, d'après ce que je vois, comme tout le monde, en regardant le journal télévisé en France, en me baladant sur Internet, que l'Europe centrale, on en parle tout le temps de la même manière et on en parle tout le temps sur quelques points qui sont les mêmes points, pas forcément de caricature, mais des grilles d'interprétation extrêmement simples, extrêmement expéditives, qui font qu'on a du mal à comprendre les discours qui viennent de l'Europe centrale. Le premier point, c'est bien sûr que ce sont les anciens pays communistes. Évidemment, c'est vrai, mais ça n'explique pas tout. Même si c'est un traumatisme durable, c'est un traumatisme qui n'est pas vécu et reçu aujourd'hui de la même manière dans tous les pays d'Europe centrale. Parce que la deuxième chose, c'est que, notamment parce qu'il y a ce groupe de Visegrad, donc ce groupe qui réunit la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie dans une sorte de coalition européenne, on a tendance à considérer que l'Europe centrale reforme une sorte de bloc de l'Est, hein, et qu'ils seraient unis dans cet illibéralisme, justement. gouvernement, alors que la situation selon les pays est très différente. Par exemple, parce que le président tchèque est un excentrique, Monsieur Miloš Zeman, on a beaucoup voulu faire croire, on a beaucoup dit dans les médias français qu'il y avait un début, que la Tchéquie suivait la dérive illibérale de la Pologne et de la Hongrie, alors que ça n'est pas vrai. La grille d'analyse politique qu'on peut faire sur la Tchéquie n'est pas vraiment du tout la même qu'en Pologne ou en Hongrie. Donc voilà, la deuxième tendance, c'est d'écraser la région pour en refaire un bloc, comme si on était un peu revenu à l'époque des Habsbourg et que tout ça, c'était un peu pareil. Voilà, et troisième chose. On a, je pense, une idée un peu toute faite aussi de ce que c'est que le centre européen. Les femmes sont grandes et blondes et ont une forte poitrine. Les hommes sont musclés, tatoués, moustachus et vivent en survêt. C'est totalement faux. mais je pense qu'on a cette caricature en vide dès qu'on parle du roumain, du polonais, du tchèque moyen, de la même manière qu'on a pu à une époque se représenter le français, c'est le mec en marinière avec sa baguette et son béret. Voilà, je pense qu'on n'est pas sorti de ce stade de la caricature sur l'Europe centrale. Quatrième coup tendance à voir à l'ouest, l'Europe centrale comme un territoire qui bénéficie de l'injection des fonds européens, ce qui encore une fois n'est pas complètement faux. Ce sont des terres où il y a une industrie à soutenir qui exporte beaucoup du secteur primaire et secondaire, le plombier polonais qu'on avait eu au début des années 2000, qu'on produit en fait, qu'on forme de moins en moins à l'ouest, donc évidemment c'est vrai, mais pas seulement. On a aussi beaucoup tendance à voir l'Europe centrale comme un débouché pour l'entrepreneuriat ouest européen, parce que ces gens ont un peu besoin qu'on les civilise, qu'on leur apporte les bienfaits de tout ce qu'on sait faire à l'ouest, alors qu'on assemble beaucoup plus, par exemple, d'ordinateurs en Pologne qu'en France, parce qu'on n'assemble pas d'ordinateurs en France, alors qu'il y a des usines en Pologne. Une chose, c'est à cette occasion-là qu'Educ Pop m'avait contacté pour la première fois, quand il y a un an et demi, le film Budapest était sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui raconte l'histoire d'entrepreneurs français, donc qui sont joués par, il y a Monsieur Poulpe dans le film, il y a Jonathan Cohen, des acteurs comiques. Donc ce sont deux cadres de la Défense qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à décoller en France, ils se font chier dans leur tour. Et ils vont la monter à Budapest, d'où le titre du film. Et cette boîte, c'est une boîte d'enterrement de vie de garçon. Donc avec stripteaseuse, avec course en char d'assaut, avec expérience de l'extrême. Et donc j'avais vu ça, qui étudie la Hongrie, où les amis hongrois m'ont dit « T'as vu ce truc qui sort en France? C'est quoi ce machin ?» Je leur ai dit « Écoute, je sais pas trop. Non mais tu sais qu'ici les journaux sont fous. » Parce que en gros, il y a cette caricature qui existe, dont on fait rien. L'Europe centrale, c'est alcool et femmes à gogo pour vraiment pas cher. Et le vrai problème, c'est pas qu'on en fasse un film comique, bien franchouillard, etc. C'est que, ce film est basé sur une histoire vraie et que c'est vraiment un marché qui existe, qui est évidemment. Donc ces boîtes qu'on appelle 2VG, d'enterrement de vie de garçon, qui servent à faire des charters pour envoyer des jeunes gens vivre des expériences extrêmes dans des Hooters Club, etc., dans des capitales d'Europe centrale. Donc ça existe, c'est un marché florissant, il y en a aussi beaucoup en France. Et quand vous regardez ce qu'on dit sur les sites, j'avais fait un article là-dessus qui est accessible librement en ligne, j'avais fait un florilège. Une vraie ville d'Europe centrale, c'est une ville où vous pouvez boire une bière pour moins de 30 centimes d'euros. C'est une ville où vous pouvez sortir en boîte avec des grandes blondes pulpeuses toute la nuit. Vous avez toutes les photos suggestives qu'il faut, etc. etc. Et c'est évidemment une caricature que les centres européens reçoivent violemment, qu'ils reçoivent comme une sorte d'insulte, qu'ils prennent plus ou moins subtilement, plus ou moins bien, mais on ne peut pas forcément totalement leur en vouloir non plus. Et le cinquième point, ce serait que tout ça contribue, si vous voulez, pour les résumer, dans une perspective de dynamique culturelle, une forme de regard condescendant qui a quelque chose d'un peu colonial encore, de l'Ouest sur le centre de l'Europe. Ces gens-là ont besoin de nous, on les a intégrés, quand même, depuis que leur mur est tombé, est à niveau. Parce que voilà, ils nous envoient leurs travailleurs et ça casse le marché du travail chez nous. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui, avec les vagues migratoires qu'on vit maintenant, a beaucoup disparu. Mais au début des années 2000, l'étranger de l'intérieur, bon, mis à part les actuels, hein, les populations africaines sur lesquelles on tape depuis la colonisation, c'était aussi le plombier polonais, le travailleur tchèque, le concierge ukrainien, etc., etc. Maintenant, comme c'est le groupe de Visegrad qui ne veut pas des quotas migratoires, on a pu retourner cette question du refus de l'autre vers les pays de Visegrad, vers les pays d'Europe centrale, qui ne veulent pas suivre les mêmes politiques d'accueil plus ou moins bien menées que nous avons à l'Ouest. Donc il y a toujours un moyen, il y a toujours un discours qui consiste à ostraciser, en gros, la moitié orientale de l'Europe pour conforter la position de... Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu au centre, je ne vais pas dire à l'Est, justement, parce que c'est l'héritage du mur qui fait ça, mais au centre. Alors, comment ça se vit depuis le centre de l'Europe, ces questions-là? Alors, les questions sont très différents pays, donc je vais surtout parler du cas polonais, parce que c'est celui que moi, je connais le mieux, tout simplement. Alors, évidemment... l'héritage communiste dont je parlais au tout début, c'est un traumatisme durable. En Pologne, il y a eu Solidarność avec Lech Wałęsa. Voilà, mais ce que doit vous montrer Solidarność, donc le grand syndicat polonais, c'est que le syndicalisme, c'est une idée de centre-droit, en fait, en Pologne, parce que c'était un syndicalisme contre le communisme d'État, tout simplement. En Pologne, le mot Lewica, la gauche, c'était un gros mot jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce que, voilà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée dominante, si vous voulez, c'est on a vécu sous un réfoire, et faut voir ce que ça nous a donné aussi. Hein. C'est pas vrai. C'est facile avec le recul, c'est facile depuis chez nous de dire oui, mais c'est pas comme ça qu'on veut la gauche. C'est pas comme ça se passait en Pologne avec des gens comme... c'est des espèces de maréchal mafieux qui avaient tout le temps ces énormes lunettes noires, etc., etc. Oui, évidemment. Mais ça a été très compliqué de simplement dire « j'ai gardé des convictions de gauche en Pologne après 89 ». L'échiquier, jusqu'à ses toutes dernières années, il s'est largement défini entre un parti qui s'appelle la plateforme citoyenne ou la plateforme civique, qui, au sein de l'Union européenne, est affilié au Parti populaire européen, donc le parti où elle est républicaine en France, et le PIS, alors PIS c'est l'acronyme, ça veut dire droit et justice, Prawo i Sprawiedliwość, qui est un parti qui est affilié maintenant au niveau européen au Parti des conservateurs et réformateurs, donc les tenants de la révolution conservatrice au sein des institutions européennes. Donc c'était vraiment quelque chose entre la droite libérale et la droite conservatrice, la droite traditionnaliste, si vous voulez. Depuis quelques années, on voit renaître des mouvements de gauche en Pologne. Il y a un mouvement qui s'appelle Razem, qui veut dire « ensemble ». Il y a des figures très marquantes, comme l'ancien maire de Słupsk, Robert Biedroń, qui est une figure de la communauté LGBT aussi, donc qui devient une des voix du centre-gauche, des thématiques écologiques, qui porte des thématiques sur la tolérance, sur la cause LGBT, etc. Mais voilà, tout ça est très nouveau. Ce sont des pays où... Alors, je parlais de la caricature sur l'Europe centrale, terre de tous les possibles, à la fois pour les entrepreneurs et pour les bonnes mœurs. Enfin, vous n'êtes tenu à rien parce qu'on peut faire n'importe quoi avec suffisamment d'argent. C'est quelque chose qui est très mal vécu parce que la chute du mur a été en Pologne, d'autres pays, des petits pays par exemple comme la Lituanie aussi, l'occasion tout simplement du retour de la vie religieuse, qui est quelque chose qui fasse... qui est au XIXe siècle, notamment le catholicisme romain était face à l'annexion à la Russie, parce que la Lituanie et la Pologne sont des pays qui ont été largement annexés à la Russie pendant tout le XIXe siècle. C'était une force de résistance spirituelle, un lieu de survivance de la langue nationale, le polonais ou le lituanien. L'une des premières choses qui s'est passée en 89, enfin en 90, à l'indépendance lituanienne, sont revenus ouvrir leurs écoles, par exemple, pour que... on refasse l'éducation au sein de la tradition catholique avec cet ordre religieux qui, depuis le XVIe siècle, a cette tradition d'éducation. Voilà. Donc, c'est quelque chose, cette caricature qui est très diffuse de l'Europe centrale à l'Ouest, qui atteint certains des ferments de la redéfinition identitaire des centres européens. Évidemment, tous les catholiques lituaniens ou polonais ne font pas partie des gens qui, je pense que vous avez passé pendant les marches des fiertés en Pologne, on en a parlé en France aussi, tous les catholiques polonais ne sont pas des gens qui vont aller tabasser les gens qui défilent dans les prides, comme ça s'est fait à Białystok ou dans d'autres villes. La plupart des Polonais sont des gens normaux, des gens de droite gentils, ou des gens de gauche gentils, ou des indécis gentils. Voilà. Mais cette caricature, elle revient facilement sur le fait que c'est tous des cathos d'extrême droite, en gros, et ne lit pas les intellectuels de ces pays-là, parce que leurs livres ne sont pas traduits en France. Comme on ne lit pas beaucoup les journaux de ces pays-là, parce qu'ils sont écrits dans des langues bizarres, et qu'on les diffuse très mal en France, sauf via Courrier International ou deux ou trois ressources dont je vous parlerai dans deux minutes. On ne voit pas les nuances de la société. Grâce aux réseaux sociaux, si ça vous intéresse, vous avez une chance de voir ça parce qu'il y a Facebook, il y a une twittosphère, etc., qui sont de plus en plus vivantes, donc, et où on s'exprime aussi, précisément pour s'ouvrir vers l'international. Donc ça, c'est une chose qui est chouette. Mais bon, ce sont des vies politiques nationales qui, évidemment, se développent avant tout dans la langue du pays. Et ça la rend difficile d'accès. Voilà, il y avait une dernière... Oui, la dernière chose, c'est que 89, l'événement décisif, est aussi quelque chose, donc ce changement de paradigme politique, est quelque chose qui n'a pas forcément été très bien vécu parce que les transitions économiques ont été extrêmement dures. Aujourd'hui, à ces pays d'être des pays eurosceptiques, hein, que ce soit des eurosceptiques de l'intérieur, comme les Polonais ou les Hongrois, qu'on voit en plus comme des espèces d'ingrats qui ont bénéficié des investissements européens, de l'intégration, et qui maintenant essayent de bouleverser la constitution européenne, ou des eurosceptiques de l'extérieur. C'est ce qu'on dit énormément sur les Serbes, par exemple, voilà, qui sont aussi... enfin, qui exprime aussi beaucoup de scepticisme, y compris dans la gauche serbe d'ailleurs, vis-à-vis du fonctionnement de l'Union européenne, alors qu'ils souhaiteraient être candidats. Bon, compliqué. Mais les transitions économiques ont été très mal vécues, et du coup, la posture d'accueil qui a été celle de l'Union européenne, notamment en 2004, au moment de l'élargissement, à beaucoup de ce qu'on appelait les PECOS, les pays ex-communistes, ce qui est une manière rapide de mettre une étiquette. On ne parle pas de la France comme d'un pays déjà capitaliste, par exemple. Mais bon. Cette condescendance a été perçue, alors qu'au quotidien, le quotidien des Polonais n'est pas devenu... parce que le mur est tombé. Au contraire, ça a été un sacré bordel, même s'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et encore aujourd'hui, il y a une blague en Pologne. Je terminerai là-dessus. Puis après, on discutera, ce sera mieux. Qu'est-ce que c'est qu'un lézard en Pologne ? C'est un résister à la transformation. La transformation, c'est la transition économique du début des années 90. Donc voilà. L'idée principale, si vous voulez, c'est que on ne connaît globalement pas assez la situation des politiques de l'intérieur de l'Europe centrale à l'Ouest. On ne s'y intéresse pas assez parce que notre monde médiatique et économique nous fournit des grilles d'interprétation toutes faites. Notre éducation nationale aussi, parce que l'Europe centrale, elle commence à exister après 1945, quand elle s'est fait ravager par les nazis et ensuite qu'elle est tombée du mauvais côté du rideau de fer. On ne considère pas que ce soit un espace politique, historique et culturel qui existe avant. Voilà, moi j'enseigne des fois en première année à l'université, donc des gens qui viennent d'avoir leur bac, etc. Voilà, et bon, on sait ce que c'est que les grands bals viennois avec les valses et puis si, etc., mais on ne sait pas à quel ensemble territorial ça correspond. La monarchie des Habsbourg, le Saint-Empire avant ça, sont des choses qui sont d'autre monde, mais sans cet héritage qui est aussi mythique, celui de la grande république polonaise qui a existé du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, celui du grand empire des Habsbourg, on ne comprend pas aussi les racines de l'identité nationale de ces pays-là, de la même manière que, voilà, c'est quelqu'un qui ne connaîtrait la France que depuis Mitterrand, On lui reprocherait sans doute de ne pas avoir cet imaginaire dans lequel, même de très loin, vous savez, juste des images qui viennent de l'école, vous voyez le grand portrait de Louis XIV, vous voyez Henri IV et sa poule au pot, vous voyez toute cette imagerie qui, que vous l'appréciez ou pas, fait partie de la culture nationale. Globalement, nous n'avons pas assez, je pense, c'est un truc qu'on a loupé dans la construction culturelle européenne, nous n'avons pas assez une idée de ce que c'est que les gens avec qui nous sommes des partenaires politiques aujourd'hui. Et je pense qu'ils nous en veulent, en fait. Donc, poursuivre, je vais conclure là, ouais, comme ça on peut discuter. Poursuivre l'actualité centre-européenne, il y a deux super médias en ligne que je vous engage à suivre, qui ont des pages Facebook, tout ça. Il y a le Courrier d'Europe centrale, qui est fait par, en gros, par des gens comme moi, c'est-à-dire plutôt des universitaires, trentenaires, historiens, géographes, machin, voilà. Et c'est un journal en ligne sur l'actualité de l'Europe centrale. Parce que c'est une asso, donc il faut la faire vivre, il faut payer le serveur, etc. Mais vous pouvez vous abonner pour 1 euro, je crois. Et puis après, c'est... Vous pouvez donner plus si vous voulez, mais pour 1 euro, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des contenus du site. C'est très très bien. Et pour ceux qui sont aux Balkans, il y a la même chose. Il y a le Courrier des Balkans qui fonctionne sur le même modèle, qui fait partie du même regroupement de presse indépendante, qui est aussi sur Twitter, etc. Et que je vous engage aussi à aller voir. Voilà. Là, et puis... Okay. Je reprends la modée. Pour ceux qui écoutent, Dimitri est venu nous parler de l'illibéralisme et c'est un débat ouvert. N'importe qui peut venir poser des questions ou intervenir comme ça. Du coup, c'est l'illibéralisme en Europe centrale. Oui, donc la première chose, c'était en fait dans ce que tu expliquais, de la vision qu'on a en France, entre autres, de l'Europe, elle est véhiculée principalement par des médias qui nous présentent des faits, des événements de ce qui se passe là-bas d'une manière complètement biaisée, et ce qui rejoint d'ailleurs tout à fait la logique des médias, puisque le but du jeu, c'est de faire du choc, de faire de l'émotion, de créer de la peur, afin de placer des pages de... Jusque-là, ça me paraît tout à fait... ce biais me paraît tout à fait logique. La réaction des populations d'Europe centrale, tu dis, c'est une méfiance, peut-être même un retour, on va dire, identitaire au sens large du terme, hein, pas simplement politique. Réaffirmer son identité, réaffirmer ses valeurs, ses propres ressentis, et se méfier des valeurs et des ressentis qu'on tente de leur imposer de l'extérieur. Okay, ça j'ai compris, c'est juste, c'était l'illibéralisme, plus précisément ce que c'est. Donc, oui, parce que l'intervention s'appelait l'illibéralisme, enfin, c'était vraiment sur le contexte centre-européen. Ce qu'on a appelé l'illibéralisme, c'est indiqué par Viktor Orban, le premier ministre hongrois, notamment l'idée d'une démocratie illibérale, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons, dans la grande tradition du libéralisme classique dans le monde occidental, que ce soit en France, aux États-Unis, associer la possibilité pour la démocratie à travers représentation parlementaire, choix des dirigeants, etc., au modèle du marché qui garantit les libertés individuelles d'entreprendre et ce genre de choses. Ça, c'est le modèle traditionnel de la démocratie libérale. C'est plutôt à gauche ou plutôt à droite. Après, voilà, un des grands noms de la démocratie libérale en France, c'est Tocqueville, au 19e siècle, qui est quand même un auteur assez passionnant. Voilà, l'idée de la démocratie illibérale, c'est ce qu'on appelle plutôt, mais c'est dans le discours médiatique un peu un mot fourre-tout en France aujourd'hui, une démocratie populiste, tout simplement, c'est-à-dire il est légitime d'écouter ce que la base populaire veut, donc elle choisit ses représentants, voilà, d'écouter cette voix du peuple, mais par contre, en dehors du cadre de l'économie de marché et en dehors du frein des institutions, notamment des poids et contrepoids dont parlait déjà Montesquieu au début du 18e, donc le contrôle de l'exécutif par le législatif, l'autorité du judiciaire sur les autres. Et ce sont des choses qui, au niveau constitutionnel, au niveau de l'organisation des institutions, a été particulièrement visible par les réformes du gouvernement Morawiecki en Pologne ces dernières années, à la fois sur la manière dont sont nommés juges et procureurs maintenant dans la République de Pologne. La manière dont, bon, de toute manière, le PiS, le parti du pouvoir, est majoritaire partout. Président, Premier ministre, Chambre basse, Chambre haute. Donc, n'y a pas de problème. Donc à ce stade-là, il n'y a plus de contrôle d'une charte. L'idée, c'est que le gouvernement, dans une les institutions dans une perspective populiste, en gros, doivent être mises au service d'une sorte de vox populi, de voix populaire, sans frein. Et que ceux qui s'y opposent, les verrous de l'Union européenne ou alors les verrous constitutionnels qui existent en Hongrie ou en Pologne, sont moins légitimes que les desiderata exprimés aujourd'hui, maintenant, par les électeurs de ces partis. En gros, c'est ça, l'illibéralisme. Ok, une autre question ? Merci. Donc, si on résume comment ils perçoivent notre façon à l'ouest, plus à l'ouest, de les regarder plus à l'est, c'est ils se sentent vus comme périphériques, comme pas assez pris en compte pour ce qu'ils sont. Mais en même temps, dans la vision occidentale, il y a une culture un peu impérialiste, post-coloniale, c'est-à-dire en fait une tendance à voir le monde d'un centre qui serait le centre d'où la civilisation se forme, et en périphérie, c'est des indigènes ou des gens qui sont juste bons à entraîner dans ce mouvement, mais qui n'ont pas d'existence en tant que tel. Donc si on se place du point de vue de l'Est, quelle vision, eux, ils ont, si elle n'est pas impérialiste ou si elle n'est... tu parlais d'une période de 2 siècles où il y a eu une démocratie en Pologne. C'est ça. Hein? Et donc, quels étaient les idéaux démocratiques qu'ils pourraient avoir à revendiquer pour ne pas se faire absorber par une autre pensée, quoi? Alors, c'est une question. Donc, sur le premier point, sur le fait qu'il y a ce regard colonial ou post-colonial, enfin plutôt juste littéralement colonial, de l'Ouest vers le centre de l'Europe, je suis assez d'accord, honnêtement. Il y a cette tendance à les rendre périphériques. Et le problème, c'est qu'en véhiculant caricature illibérale, enfin voilà, les différents types de caricatures dont j'ai parlé, on rend beaucoup plus difficilement audible à l'Ouest les authentiques discours de gauche, les discours contestataires, les discours progressistes. Du centre. Voilà. À cause des terribles événements de cet été en Pologne, on entend le discours LGBT polonais, mais enfin, ça a pris des manifestants tabassés, etc., pour qu'on se rende compte que il y a aussi une communauté LGBT en Pologne, qu'elle est aussi, et que, en gros, ils veulent les mêmes choses que chez nous dans un contexte qui est pire pour eux. Après. Sur les 2 siècles de la République polonaise, alors c'est une république, mais ce n'est pas du tout une démocratie. La Pologne a été ce qu'on a appelé... Donc, république, étymologiquement, c'est... et donc, la Pologne a été une république entre 1576 et 1795, parce qu'elle s'est proclamée république, c'est-à-dire qu'il y avait une dynastie de rois, et le roi est mort, sans descendant. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait dans tous les pays de l'Europe médiévale, y compris à l'Ouest, d'ailleurs... aussi une pratique qu'il y avait en Angleterre au Moyen-Âge, et on leur dit, bah voilà, vous élisez le roi maintenant, et celui que vous aurez élu, enfin Dieu va parler à travers vous, blablabla, comme pour le pape en fait. Et les nobles polonais se sont dit, quelle aubaine, on va élire le roi, et une fois qu'il sera élu, c'est pas son fils qui va hériter, on va se réunir et on va réélire le roi, comme ça le pouvoir sera à nous. On a appelé ça Złota Wolność, la liberté d'or, la liberté en or, parce que l'assemblée des nobles de Pologne gardait tout le pouvoir exécutif, verrouilla aussi les fonctions judiciaires. Enfin, voilà. Donc on appelle ça la république nobiliaire parce que les nobles décidaient. Alors les nobles, c'est une très grosse population de nobles pour un pays d'ancien régime, c'est à peu près 15% de la population, c'est très nombreux, pour des nobles évidemment. En Espagne, c'est plutôt 2-3% à la même époque de nobles. Il y avait quand même le servage, enfin les bourgeois n'existent pas, les pauvres n'ont rien à dire, hein. Donc ça n'est pas du tout une démocratie. Par contre, là où c'est très intéressant ta question, c'est que cette période qu'on appelle la période de la République nobiliaire, en Pologne, elle est le nationalisme idéologique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce passé de la noblesse qui gouverne ce pays, qui est un pays qui par ailleurs a lui-même eu une attitude coloniale vis-à-vis des Biélorusses, des Lituaniens, dont la langue est très peu utilisée de la religion. Donc c'est une langue qui n'est pas une langue de littérature, c'est une langue qu'on n'imprime pas beaucoup, le lituanien par exemple. Donc il y a eu une attitude coloniale extrêmement forte vis-à-vis des Biélorusses, vis-à-vis des Ukrainiens, des populations ukrainiennes, des Cosaques. Voilà, bah, c'est compliqué. Hein. Et ce passé-là, avec qui a son prestige, avec des, enfin c'est la noblesse, c'est les grandes draperies, c'est beau quoi. Ils ont des grandes moustaches et des très belles épées qu'on voit dans les musées. Donc ça, c'est notre passé. Disent le PiS, donc le parti de gouvernement en ce moment en Pologne, et ses adhérents, on se retrouve dans cette espèce, de même que nous, on a la France éternelle, qui serait soit celle de Louis XIV, soit la France des Lumières, parce qu'on est le pays le plus universaliste de tous les pays, n'est-ce pas ? Voilà, ce qui est en soi contradictoire. Bon, donc nous, on a ces mythes-là. Le mythe nationaliste polonais contemporain, il va plonger ses racines dans cette période-là, dans cette période de prestige où la Pologne est l'un des plus grands États d'Europe, avec la France et l'Empire. Si on regarde de l'Europe en 1650, c'est très très grand, la Pologne. Ils ont une énorme frontière avec la Russie, ils ont une énorme frontière avec les Turcs, donc ils passent leur temps à faire la guerre à ces gens-là. Donc leur identité se construit à l'époque autour de l'identité de croisade, contre les Ottomans, et donc une part de l'islamophobie polonaise contemporaine, elle plonge aussi dans ce très vieux passé de lutte directe contre les Ottomans jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, et donc c'est un passé qui est réinvesti au sens où aussi on dit, bah oui, c'était la République nobiliaire, donc nous avons inventé la démocratie. Et ce que tu dis, du coup, c'est un malentendu, République-démocratie, c'est vrai qu'on fait vite l'équation, nous, c'est un malentendu sur lequel joue la propagande nationaliste polonaise aujourd'hui. Ce passé, c'est celui des premiers démocrates. Il y a un grand historien polonais qui s'appelle Jan Sowa, S-O-W-A, qui va venir en France dans pas longtemps pour faire une conférence à la Colonie, où il y a une expo sur le passé colonial de l'Europe, enfin de l'Europe centrale et de la Pologne en particulier en ce moment, justement, dans cette conférence. Donc si vous voulez aller l'écouter, allez-y. Il a publié tout un bouquin là-dessus. Il s'appelle « Le corps fantôme du roi », sur la manière dont l'idéologie nationaliste... Alors, c'est pas traduit en français, c'est ce que je disais sur le problème de la circulation. Toutes les idées réformatrices, toutes les idées de gauche, en fait, elles sont bloquées par la barrière de la... Évidemment, Sowa, il veut écrire en polonais parce qu'il veut avant tout parler à ses compatriotes, parce que l'urgence intellectuelle et culturelle pour lui, il est là, c'est un prof de fac, enfin voilà, il travaille sur son terrain. Et le problème, c'est que du coup, quand vous pouvez pas lire le bouquin, vous savez pas qu'il existe. Donc voilà, tellement de livres qu'on voudrait traduire, et puis des fois on voudra en écrire aussi à nous. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas choisir, quoi, c'est ça le problème. Donc il a beaucoup démonté ça, ce mythe, pour dire mais non, ça n'est pas une démocratie, ça n'est pas l'invention, c'est une oligarchie, c'est un régime conservateur, et de fait, les arguments historiques tendent à prouver que c'est l'immobilisme de ce régime nobiliaire qui a provoqué la disparition du pays en 1795 de toute façon. Voilà. Oui, j'avais une question. En fait, la thèse que tu défends, c'est de dire que une certaine partie de l'Europe aurait une fausse idée des pays que tu as de l'Est, c'est ça ? Du centre, pardon. Donc nous, on les verrait comme ex-communistes, lieu de perversion des mœurs, alors qu'en réalité, ils sont pas du tout communistes, ils sont plutôt ultra-libéral. Enfin, ils sont plutôt libéraux, enfin, ils sont plus... libéral que de gouvernement. Disons qu'il y a une majorité idéologique de droite et une minorité, c'est plutôt droite que gauche. Et sur la question des mœurs, contrairement à ce qu'on croit, c'est plutôt des pays où les valeurs de l'Église, enfin, les valeurs catholiques sont fortes, etc. Donc en fait, on a une vision inversée de la réalité. Je caricature, hein, grand trait. Et donc, moi, donc du coup, la question que je me posais, c'était par rapport, en fait, est-ce que c'était pertinent de les faire rentrer dans l'Europe, dans le sens où, quand ils sont rentrés dans l'Europe, l'idée, c'était peut-être de dire, c'est un marché, là, on va pouvoir faire des carrefours, on va pouvoir, en fait, profiter économiquement de ces secteurs-là, comme des zones de consommation, ou des zones de production, mais pour les multinationales. Et sur le plan des mœurs, on va leur faire, on va les convertir en nation, donc à tout ce que tu as dit tout à l'heure, à l'économie libidinale, etc. Et donc ça va devenir en fait une extension du marché. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire que du coup, comme tu l'as dit, il y a les valeurs nationalistes, etc. Et donc, la question que je me posais, c'était par rapport à l'échec aujourd'hui de l'Europe, on voit qu'il y a des fractures, etc. Est-ce que c'est pas lié à ça, dans le sens où il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'identité européenne, dans le sens où il n'y a pas de nation européenne, parce qu'il y a une telle diversité, justement. Donc les pays du centre, ils contribuent peut-être à ça. Et par rapport aussi à la polémique sur l'OTAN. Récemment, Macron, il a dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et il a été contredit par Merkel et par les pays de l'Est, qui, eux, ont absolument besoin du bouclier américain. Donc du coup, est-ce que tout ne révèle pas, en fait, l'échec profond de l'Europe actuelle? Et est-ce que finalement, il n'y a pas un risque que cette zone-là, en fait, elle retourne vers son espace naturel, qui serait plutôt le, je ne vais pas dire l'espace russe, mais bon, voilà, tu vois, c'est... Et donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu défends contre cette... tu préférais justement que cet espace-là se confirme dans ses valeurs, catholiques et libérales, droite conservatrice, ou est-ce que tu défendrais plutôt l'idée qu'elle rentre dans le moule libéral-libertaire, quoi, et que voilà. Merci pour la question qui est très dense. Toute une série. Je terminerai par ce dont j'ai envie. Premièrement, l'idée que l'espace naturel, avec tous les guillemets que tu as mis, il n'y a pas de problème, de l'Europe centrale, ce serait la sphère russe, surtout pas. Au contraire, s'il y a une chose sur Visegrad est d'accord, c'est la russophobie. Ils sont-ils libéraux, Orban et Morawiecki? Voilà. Voilà, ils sont illibéraux et Poutine aussi, dans un cadre constitutionnel qui le lui permet beaucoup plus, puisqu'il a refait redevenir président après Medvedev, etc. Donc non, comme tu dis, les Polonais, les Allemands, surtout Mme Merkel qui est née à l'Est quand même, aiment l'OTAN. Les Polonais sont extrêmement atlantistes parce qu'ils n'aiment vraiment pas du tout les Russes. Ils n'y retourneront pas. Le pays d'Europe centrale, enfin plutôt méridionale pour le coup, qui fait vraiment un axe russe, ce serait plutôt la Serbie, mais qui n'est pas vraiment dans la problématique européenne, mais qui est unie à la Russie par l'orthodoxie, par des liens d'amitié très anciens depuis l'indépendance de la Serbie au début du 19e siècle, et ses liens avec la Russie, mais c'est autre chose. Donc ce n'est pas leur sphère, et les pays ex-communistes, non, pas du tout. Et alors là, vraiment pas du tout. C'est très, très impressionnant. J'ai une tante russe. Elle vit à Prague. C'est extrêmement impressionnant de voir un Russe en Europe centrale. Parce que donc, c'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années. Et bon, c'est une question de personnalité, d'idéologie personnelle aussi. Tous les Russes ne sont pas comme ça. Mais elle a une attitude de propriétaire dans les rues de Prague. C'est très impressionnant. Ça fait 8 ans qu'elle y habite, elle n'a pas appris un mot de tchèque, parce qu'elle parle que les gens de sa génération connaissent tous le russe, parce que c'était obligatoire, de toute façon, puisque c'était les Russes. Donc, enfin, puisque grand frère soviétique, tout ça, les chars de 68. Donc, il y a encore cette fracture profonde et cette antipathie profonde, donc ils ne veulent pas y retourner. Ouais, alors sur l'échec de l'Union européenne, on a loupé plein de choses avec l'Union européenne. Oui. Bah, je finis de répondre au monsieur. Je vous explique. Je vais prendre la parole. Est-ce que monsieur? Je vous laisse terminer. Après, je vais prendre la parole par rapport à quelque chose. Oui. Donc, ce que je veux. ouais. Donc on a voilà, moi le projet européen, bon, j'ai grandi à la fin des années 80, dans les années 90, très euro-optimiste, tout ça c'est quelque chose que j'aime bien. Après, le tournant actuel qu'il a pris, je peux pas dire que ça me satisfasse beaucoup, que les pays européens, enfin les pays en sortent, je sais pas, moi je trouve que ce serait un échec, si tu veux. Moi, les gens avec qui je m'entends et avec qui je parle dans les pays centro-européens, c'est mes collègues, c'est des gens de gauche, c'est la communauté LGBT, c'est ces gens-là. Donc, ce sont les gens qui manifestent, etc. Les partis de pouvoir qui sont en Europe centrale, enfin, en tout cas, parce que je ne veux pas les écraser, mais en tout cas, en Pologne, évidemment, j'en veux pas. L'alternative qui est Platforma Obywatelska, la plateforme civique, là, le centre droit, j'en voudrais pas non plus. Moi, je voudrais que quelqu'un comme Robert Biedroń et son mouvement Wiosna, printemps, passe. Personnalité, bon, qui a ses défauts, qui a un côté social-libéral, tout ce que tu veux, mais voilà, qui est porteur quand même de problématiques qui rassemblent, je pense, les consciences de gauche européenne et autour duquel on peut se retrouver. Le mouvement Razem est très jeune, très vivant en Europe centrale. Donc voilà, moi je voudrais que ces gens la gagnent, si tu veux, et que l'Europe, bah, on la refasse de l'intérieur. C'est la même stratégie que les îles libéraux, mais pour aller dans l'autre sens. Voilà, ce qu'on a loupé aussi en tant qu'enseignant, parce que moi je suis enseignant, on n'a pas formé nos élèves et nos étudiants à savoir qui sont les gens avec qui on bosse. On fait toujours de l'histoire de France, et tu dis qu'il n'y a pas d'identité européenne, c'est vrai, parce que les identités ça se construit et qu'on n'a pas construit l'identité européenne. On va enseigner l'histoire de l'Europe, l'histoire des grands blocs depuis, je ne sais pas moi, les Romains. On part des Romains pour... On part... Pardon ? Vercingétorix. Ouais. Ouais, mais on part de Vercingétorix et des Romains pour dire, bah voilà, et puis après il y a eu... Mais l'Empire de Charlemagne, enfin, c'est un tout petit bout de la France. Le sud de la France, c'est pas l'Empire de Charlemagne. C'est un empire qui est germanique, dont la capitale est en Allemagne. Donc aujourd'hui, en Allemagne, voilà, c'est complètement autre chose. On ne fait pas l'histoire européenne. Tu vois, la mesure concrète que moi je ferais, c'est changer les programmes d'histoire. On arrête de faire de l'histoire de France, on fait de l'histoire d'Europe. Okay. Okay. Est-ce qu'il peut faire juste une précision rapide? Il n'y a pas de souci. Vas-y. Okay. Tu as évoqué la question de l'identité nationale. Et alors, quel type d'identité nationale est défendu dans ces pays-là? Est-ce que c'est plutôt la version d'Ernest Renan, où justement l'identité nationale, ça relèverait d'une volonté de vivre avec une pluralité ethnique, ou est-ce que c'est plutôt la version allemande, enfin la version de Fichte, avec l'idée que l'identité ce serait pas le résultat d'une volonté, mais d'une nature, c'est-à-dire qu'on serait polonais ou je sais pas, ou parce qu'on est né en Pologne, parce qu'on parle polonais, parce qu'on est catholique par exemple. Là, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un paradoxe? Si vous permettez. Il va répondre et puis après... Ah d'accord, il doit répondre. Ouais, rapidement. Si, mais ce débat sur ce que c'est qu'une identité nationale, il existe partout, y compris chez nous, quand on n'arrive pas à s'en sortir. Donc les deux versions existent, évidemment la version des partis de pouvoir en ce moment, que ce soit en Hongrie ou en Pologne, c'est cette version très essentialiste, très romantisme allemand, Fichte, Herder, tout ce que tu veux, la langue, la culture, voilà. Évidemment les mouvements d'opposition, elle propose autre chose, qui soit plutôt quelque chose comme le consensus de tous les jours. Voilà, moi je suis plutôt de ce côté-là. Après, dire simplement que les identités de groupe, je ne pense pas que ce soit une solution. C'est le nier, c'est d'abord donner beaucoup plus facilement accès au discours à des simplifications, comme celle du PIS, et c'est nier le fait que, de toute évidence, on partage des choses. Une langue, la bouffe, des bouquins. Voilà, après, la question, c'est ce qu'on en fait. Alors moi, je dirais tout simplement que voici, par rapport à l'immigration dont vous aviez évoqué tout à l'heure, je me présente avant tout, je m'appelle Issam Chakchouk, je suis de la République En Marche. Donc, en l'occurrence, oui, votre Parlement fait chose d'une et d'autre part d'autre chose. Mais en évocation technique, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que nous sommes sur une lignée. Dans ce cas de figure, voyez-vous, il y a le climat auquel il faut en parler. Il n'y a pas que, etc. Il y a des personnes qui sont SDF, qui dorment dans la rue et tout. Et ceci va imposer un jour ou l'autre un obus. Parce que les hauts responsables n'auront pas fait ce qu'il faut. Voilà, c'est juste ce titre. Moi, je fais partie de la République En Marche et j'en ai parlé. Donc, voilà, c'est très simple. Si tout le monde suit sa conjonction, c'est parfait. Désormais, maintenant, on vous a donné le social. Vous avez craché dessus. On vous a donné un tel. Dire que dans d'autres... Non. Il faut parler de ceci aussi, monsieur. Donc, nous sommes l'un des pays qui avons le plus d'avantages sociaux. faut pas manquer ça. Hein, la CMU, le RSA, compagnie, ça va. Vous allez dans des pays que je peux citer actuellement, vous n'avez rien du tout. Alors donc, je vous passe la parole, mes chers messieurs. Et je pense que vous avez dit, ça me plaît. Terminé. Voilà, bon, j'ai pas... Non, je sais pas, moi. Enfin, je suis pas venu pour parler de ça. Oui. Moi, je me demandais, parce que tu parlais au début que notamment la gauche, là-bas, c'était pas la gauche telle qu'on l'entend, nous, ici, par exemple. Et je me demandais, parce que du coup, on pose beaucoup ce qualificatif du coup, d'extrême droite. Et là-bas, est-ce que l'extrême droite, là-bas, de la façon dont elle est ressentie, ce serait la même chose que de la façon dont on l'entend ici? Et parce que je me disais en t'écoutant, mais en fait, poser ce qualificatif là-bas, c'est encore aussi les mépriser et se dire que, voilà, leur. De toute façon, ils voient le peuple d'une façon. Très très limité. Enfin voilà, ça rejoue aussi le fait de les exclure, et on sait qu'en rajoutant cette exclusion, ça peut aussi porter vers l'extrême droite. Mais est-ce que c'est pas une vision du coup très de comment c'est l'extrême droite? Enfin voilà. Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on a appelé le fait que le FN, enfin maintenant le RN, devienne fréquentable ces dernières années, est allé avec le fait qu'il était de moins en moins minoritaire et marginal, en fait. Et j'ai l'impression que ce que nous appelons extrême droite en France, c'est des gens qui sont très à droite, mais surtout qui sont minoritaires. Et significativement minoritaire, ce qui n'est plus le cas chez nous, mais ce qui n'est depuis très longtemps pas le cas en Pologne ou en Hongrie. Donc à ce tarif-là, effectivement, on peut dire droite dure éventuellement pour parler du PiS ou du gouvernement Orban. Ce qu'on va dire, je ne sais pas, parce que ce sont des partis qui, enfin, sont des partis de gouvernement depuis un certain nombre d'années maintenant, donc ce sont des partis qui ont clairement, même si on n'est pas d'accord, acquis une base et une légitimité populaire, et dans ce sens-là, ben voilà. Le fait que, quand on dit extrême droite, enfin, pour nous ici, je pense que ça veut aussi dire qu'on n'aime pas, oui, mais je pense que ça veut aussi dire quelque chose sur le positionnement vis-à-vis des institutions, fonctionnement des. Enfin, du fonctionnement institutionnel. Le FN de mon enfance, c'était encore Jean-Marie Le Pen, et c'était le trublion qui sait qu'il va arriver nulle part, mais qui fait tout pour nous faire entendre ce qu'il a à dire. Ce qu'on voit, parce que on n'arrive pas à se coordonner à gauche entre l'Ouest et le Centre, mais par contre, la droite dure arrive très bien à se coordonner au niveau européen au sein du parti des conservateurs réformistes. Là. C'est le levier terrible qui vient du centre pour aider le Rassemblement National, par exemple, chez nous. Voilà. Donc, c'est simplement, c'est la droite centre-Europe, si tu veux. Il y a un centre-droit, donc celui qui a fait la transition ultralibérale, le marché, etc., qui était la plateforme civique en Pologne, donc qui sont les alliés de nos républicains à nous. Voilà. C'est, t'as le choix entre jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu as le choix entre la droite et la droite, en fait, en Europe centrale. Maintenant, tu recommences à avoir un peu le choix avec la gauche, si tu veux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Juste pour résumer, de dire que l'extrême droite, une fois qu'elle est majoritaire, devient la droite. J'en sais rien, parce que... écoute, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans notre vocabulaire politique en France, ça s'est fait comme ça. Qu'on s'est mis à considérer que le FN ou le RN, ça devenait de la droite, une sorte de droite, quand ils ont eu des vraies chances d'arriver quelque part et qu'on les a vus aux élections. Voilà, après c'est une question de terminologie, si tu veux. Il y a des droites plus fréquentables parce que voilà, je pense que notre président et notre gouvernement sont un gouvernement de droite quand même en France aujourd'hui, et c'est certainement une droite plus fréquentable républicain ou du RN à mon avis. Voilà, moi je voudrais plutôt l'autre côté de l'échiquier politique quand même. Bon, mais voilà. gauche alors en Pologne. Des de gauche donc auxquels on n'a pas accès, on ne connaît pas trop l'existence ici parce qu'on ne se renseigne pas assez. Ouais, alors les deux grandes forces de gauche en Pologne, Razem, R-A-Z-E-M, ça veut dire tous ensemble, enfin ensemble, mais on peut le traduire par tous ensemble, voilà, qui est la grande plateforme de gauche, est un mouvement plus centre-gauche, si tu veux, qui est emporté celui de Robert Biedroń, qui s'appelle Wiosna, W-I-O-S avec un accent aigu, mais c'est pas grave si tu le mets pas. Voilà, ça dure le printemps, tout simplement. Et donc, ce sont les deux grandes plateformes. Voilà, elles sont des mouvements de gauche qui ont dû reconquérir leur légitimité face à la violence du passé communiste, parce que, comme je te dis, gauche, ça a été un gros mot, quand même. De manière qui est aussi compréhensible, si tu veux. Moi, je viens d'une famille polono-française communiste, mais quand il allait en Pologne, à l'époque du mur, mon arrière-grand-père avait quand même peur qu'on le retienne de l'autre côté. Et il mentait, et il expliquait à la frontière qu'on enseignerait dans les écoles françaises, pour expliquer qu'il parlait comme un natif, bah, parce qu'il en venait. Donc voilà, même pour les gens de gauche, qui avaient quitté leur pays parce qu'ils étaient trop de gauche à une époque, ça a quand même été un problème. Donc c'est, voilà. Mais l'identité de gauche, ça se reconstruit autour de l'idée que la social-démocratie, ben, ça ne marche pas. Et qu'il faut retrouver un cœur d'idées de gauche. Voilà, donc ce sont des plateformes qui sont jeunes, qui sont encore minoritaires, et qui sont très vivantes et qui méritent vraiment, vraiment d'être connues au niveau européen. Razem et Wiosna. Voilà. Je te donnerai des liens pour leur Twitter, si tu veux. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un mot pour finir? Des recommandations? Je brandis un livre, et honteusement, donc c'est de la pub, en fait. Enfin, c'est pas ma copine, c'est une copine. Voilà, donc c'est une amie qui s'appelle Agnieszka Żuk, qui a coordonné ce bouquin, qui est paru aux éditions Noir sur Blanc, si vous vous intéressez à l'Europe centrale. Suivez les éditions Noir sur Blanc, sont liées à la librairie polonaise du boulevard Saint-Germain, donc qui traduisent énormément de littérature centre-européenne contemporaine. Et ce bouquin qui s'appelle Hurra et désarroi coûte 24 €. C'est justement une plateforme qu'une vingtaine d'intellectuels polonais s'expriment en français à destination du public francophone sur la situation de la Pologne contemporaine. Je te donnerai le lien aussi. Voilà, et je t'ai aussi donné le lien, c'est avec toi que j'ai correspondu. Ouais, j'ai fait un grand entretien avec elle qui est en accès libre en ligne, autour de son bouquin. Donc où on prend les articles un par un et à chaque fois on en discute. Voilà, pour voir l'Europe centrale de l'intérieur, justement. Et je rappelle une dernière fois, et je te redonnerai les liens aussi, Courrier d'Europe centrale et Courrier des Balkans. Pour lire des articles, voilà, qui sont faits, je disais, des gens comme moi, donc c'est aussi plutôt des trentenaires de gauche, quoi, qui écrivent ce truc-là, mais qui connaissent l'Europe centrale de l'intérieur. Bah, merci beaucoup. Merci.